Ouais, c'est bon. C'est bien, c'est pas bien. C'est bien, c'est pas bien. Tu m'as là sur le téléphone. Maintenant qu'il n'y a plus personne. Ta photo sur la cheminée. Tu dis que tout est terminé. Tu nous disais qu'on serait grand. J'ai des coups maintenant. Et chacun passe son dos. Ce chemin comme un fardeau. J'ai dormi dans ton sourire. Entre le passé et l'avenir. Et le présent qui me retient. Et te rejoindre un beau matin. En ce voyage sans retour. Qui t'est offert tout mon âme. On peut aimer bien plus encore. Tu fais la basse ? Bon, je recommence. Tu m'as mis sur le téléphone. Maintenant qu'il n'y a plus personne. Je sens le tour. que tu as offert du mon amour. Même en s'usant l'âme et le corps, on peut aimer bien plus encore. C'était pour te faire plaisir, un petit rock and roll, rock and roll à 4 accords. J'ai branché une Fender dans mon Thank you.